L'Odyssée 1. Traditionnellement, on attribue à un poète grec, un Aède, du nom d'Homère, deux des œuvres fondamentales de la pensée européenne, l'Iliade et l'Odyssée. Mais des spécialistes ont montré que ces deux longs poèmes en vers, composés à au moins deux siècles d'intervalle, l'Iliade à la fin du 9e siècle avant Jésus-Christ, l'Odyssée à la fin du 7e et au début du 6e, ne peuvent être l'œuvre d'un seul poète. De ce fait, parlant de l'Iliade et de l'Odyssée, on dit plutôt poèmes homériques. L'Iliade, dont le nom est dérivé d'Ilion, autre appellation de la ville de Troie, raconte, avec ses 15 000 vers, les combats menés par les Grecs, les Achéens, contre les Troyens. Ayant eu maintes fois l'occasion d'évoquer les raisons de cette guerre de Troie, je n'en rappelle que l'essentiel. Paris, fils du roi de Troie Priam, dans un concours de beauté, a choisi Aphrodite, déesse de l'amour, au détriment des deux autres concurrentes, Héra et Athéna. Pour remercier Paris, Aphrodite lui permet d'enlever Hélène, la femme de Ménélas, le roi de Sparte. Pour venger Ménélas, le mari bafoué, son frère Agamemnon, fils d'Atrée, roi d'Argos et de Mycène, dirige l'expédition vengeresse à laquelle participe la majeure partie des autres rois grecs, dont Achille, roi d'Épire, et Ulysse, roi d'Ithaque. L'Iliade raconte donc le siège de Troie par les Achéens. Mais, au bout de 10 ans de siège, la ville n'est toujours pas prise. C'est dans quelques-uns des 12 000 vers de l'Odyssée et dans d'autres poèmes ultérieurs, tels l'Énéide du poète latin Virgile, que nous est raconté le dénouement de cette expédition. Le titre Odyssée est dérivé d'Odysseus, le nom grec d'Ulysse, le personnage principal de ce deuxième long poème. On en connaît en général les principales aventures pour retourner dans son île d'Ithaque, retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Je voudrais vous les rappeler aujourd'hui et vous les faire savourer dans la merveilleuse traduction en alexandrin de Victor Bérard, publiée en 1931, où l'on verra que le poids des mots n'a pas besoin du choc des photos. Les dieux de l'Olympe étant omniprésents dans ces poèmes homériques, on se souviendra que Zeus règne sur le ciel et la terre, son frère Poséidon ou Posidon, l'ébranleur des sols, règne sur les mers, tandis que son autre frère, Hadès, règne sur le monde souterrain des morts avec son épouse Perséphone, et Héphaïstos est le dieu des forgerons. Enfant de Zeus, Hermès est le messager des dieux, sa sœur Artémis, la déesse de la chasse, et son autre sœur Athéna, la déesse aux yeux pairs, donc entre bleu et vert, la déesse de l'intelligence.